On va continuer notre profil des prospects pour le prochain repêchage. Et là, on va y aller avec les receveurs de passe. Ça devrait être une année très, très intéressante. On en parle avec Wallet. Salut, Wallet. Salut, ça va bien? Ça va bien. Wallet, effectivement, actuellement, on dit que c'est une année où il y a de très, très bons receveurs de passe. Je regarde actuellement, il y en a un, deux, trois. Ensuite de ça, quatre. Et cinq qui sont répertoriés en première ronde. Donc, tu pourrais avoir cinq joueurs de cinq receveurs de passe à être choisis en première ronde. Ouais, moi je pense que ça va être un peu un tout ou un rien là, pour OK. les receveurs de passe. La raison pour laquelle je joue tout, c'est que s'il fallait que ça commence à sortir tôt, il y a peut-être des équipes qui vont vouloir s'avancer en première ronde, puis repêcher un receveur de passe. La raison pour laquelle je dis rien, c'est parce que j'ai l'impression qu'il y a tellement de talent. Oui, il y a des joueurs talentueux, mais c'est surtout qu'il y a beaucoup de joueurs talentueux. On parle de potentiellement une quinzaine de joueurs là, qui on pourrait voir partir dans les trois premières rondes. Des receveurs de passe, là. Puis, oui, des receveurs de passe, puis on croit en eux comme potentiels joueurs NFL qui pourraient avoir un impact. Donc, tout dépendait comment on fait nos tableaux, comment on évalue les joueurs. Moi, personnellement, je pense qu'il y a deux joueurs dans une classe à part, CeeDee Lamb puis Jerry Jeudy. Je pense que c'est deux receveurs vraiment dans une classe à part des joueurs étoiles, des joueurs qui nous rappellent des joueurs élites dans la NFL. Par la suite, les positions 3 à 10, ça se ressemble un peu, je te dirais, Danny. Tu sais, oui, il y en a un qui va être plus grand que l'autre, va être plus rapide, va avoir des meilleures mains, mais au final, on parle pas de joueurs qui ressortent du lot. On parle de tous de joueurs qui devraient avoir un impact, qui vont potentiellement quand même des belles carrières dans la NFL. Donc, ça se pourrait très bien qu'on voit peut-être juste deux ou peut-être trois joueurs être repêchés en première ronde, puis par la suite, les équipes se disent, ben, tant qu'à repêcher le quatrième meilleur receveur selon nous en première ronde, bon, on va attendre en deuxième ronde, puis on devrait être capable de repêcher le neuvième qui, selon nous, il n'y a pas une grosse marge de différence entre les deux. Donc, je pense que c'est vraiment ça qui va faire la différence. Puis, comme tu viens de le dire, j'ai vu des mock drafts où est-ce qu'on voit jusqu'à 5 ou 6 receveurs repêchés en première ronde. Moi, j'ai plus l'impression que 3, peut-être 4, mais il y a beaucoup d'équipes qui vont vouloir renforcer des positions importantes selon leurs besoins dans des rôles ou avec des joueurs qui sont peut-être un petit peu moins présents là, dans le repêchage de cette saison. Je pense, par contre, je pense, par exemple, joueurs de ligne défensive, je parle aussi, mettons, des linebackers, des maraudeurs, toutes des positions que il y a un certain talent, mais le talent il est limité. Fait que les équipes de la NFL vont peut-être plus être tentées de repêcher ces joueurs-là en début ou en première ronde. Puis par la suite, ben, le talent en termes de receveur est assez varié pour les autres positions. Donc, ça va être vraiment intéressant à suivre. Puis, ouais, je pense que rendu, ça va être. On va y aller avec le premier choix. Tu nous as parlé. Jerry Jeudy d'Alabama. On dit que c'est le premier. On le compare à Antonio Brown. J'espère qu'il a pas le même. Il a le même talent sur le football, mais il a une tête une meilleure tête. Ouais, ben moi je te dirais que Jerry Jeudy, moi j'allais deuxième dans ma liste de receveurs, mais tu sais, c'est vraiment interchangeable. Tout ce qu'on va voir sur les internets ou les analystes à la télévision, c'est vraiment Jerry Jeudy puis CeeDee Lamb. Jerry Jeudy, tu viens de dire, là, comparer un gars comme Antonio Brown, j'ai vu des comparaisons avec Odell Beckham Jr. Genre de joueur qui devrait devenir un prochain Pro Bowler dans la NFL, capable de faire tout sur le terrain. On dit de lui que c'est probablement lui qui a la meilleure capacité à courir ses différentes tracés de course parmi l'enquête de cette saison. Il n'y a aucune difficulté à créer de l'espace entre lui et les défenseurs adverses. D'excellentes mains. Vraiment un receveur complet. Ce que j'ai vraiment hâte de voir dans son cas, par contre, puis c'est un peu la même son de cloche pour Henry Ruggs, son coéquipier avec Alabama. C'est s'il est lancé dans une formation où le talent est limité. Parce qu'on se fait pas de cachette, là. À Alabama, quand tu as Jerry Jeudy, tu as Henry Ruggs, puis l'an prochain, on va parler beaucoup de Devontae Smith, moi, je considère aussi bon que ces deux joueurs-là, sinon potentiellement meilleur qu'Henry Ruggs. Quand tu as un trio de receveurs de passe similaire à celui d'Alabama, c'est facile de de créer de l'espace, de battre les défenseurs adverses, parce qu'ils en ont comme plein les mains. Là, si tu te retrouves receveur numéro un dans la NFL avec un autre groupe de receveurs qui est beaucoup moins imposant, comment tu t'en tires? Je pense que c'est vraiment ça qui va être intéressant dans le cas de Jerry Jeudy. Puis c'est un peu pour ça que je vais favoriser CeeDee Lamb. On le sait, CeeDee Lamb évolue pour les Sooners d'Oklahoma. Ouais. Un offensive qu'on qualifie Air Raid, pardon, qui vraiment avantage le jeu aérien. Mais CeeDee Lamb, un peu laissé à lui seul en 2019, là, en termes de receveur de passe, c'était vraiment son offensive à lui. Puis, il a quand même connu une saison assez incroyable avec des très bons chiffres. Je pense qu'il a un petit peu plus de vitesse que Jerry Jeudy, mais sinon, deux gars qui se comparent essentiellement. Dans les comparaisons que j'ai vues pour CeeDee Lamb, là, DeAndre Hopkins est probablement celle qui fait le plus de sens selon moi. Puis, ouais, je pense que, comme que je viens de dire, là, deux gars qui se ressemblent beaucoup, deux gars qui vont devenir receveurs numéro un dans leur équipe. Dès le début de la saison. On dit que c'est entre 10 et 15, à peu près, dans les deux cas. C'est à peu près ça que tu vois? Ouais, à moins que vraiment une équipe veuille s'avancer. Là. J'écoutais des analystes qui disaient qu'il semblerait que les Broncos de Denver sont très, très, très intéressés à aller chercher Henry Ruggs. Est-ce qu'ils vont vouloir passer devant les autres équipes pour repêcher leurs joueurs? Moi, je pense que c'est un choix un peu risqué dans le sens que j'ai rien contre Henry Ruggs. Je pense que c'est un joueur extrêmement talentueux qui devrait avoir un certain succès dans la NFL, mais les Broncos comptent déjà sur Cortland Sutton, qui est un bon receveur de passe selon moi. Donc, s'il fallait que Henry Ruggs soit pas disponible, des joueurs rapides, des receveurs de passe rapides un peu comme lui, il y en a d'autres dans ce temps-là. Moi, je pense que ça va être intéressant vraiment à suivre les receveurs, non seulement au repêchage, mais dans le futur, parce qu'on le sait, là, on va avoir probablement une quinzaine de receveurs repêchés. Jeudi et vendredi. Ça va être intéressant de voir dans 3 ou 4 ans d'ici lequel joueur qui a été repêché comme 12e de sa classe. Mais qu'au final, si on avait à faire le repêchage, on le repêcherait probablement 2e ou 3e. OK. Maintenant, parle-moi de ce qui est classé 3e, Justin Jefferson et Brandon Heyduk. Oui, ben c'est dans plusieurs des cas, là, je pense que troisième et quatrième. Est classé 3e. Ouais. Après ça, quand on a mentionné Justin Jefferson de LSU. Il y a aussi T. Higgins de Clemson que moi j'aime beaucoup. Il ne faudrait pas oublier Jalen Reagor de TCU puis LaVisca Chenault de Colorado. Ce que j'aime surtout de Justin Jefferson, c'est un joueur qu'on parle pas beaucoup, puis plus que je regarde des vidéos sur lui dans les dernières semaines, plus que je commence à le mettre très près du fameux top 2 ou même top 3. Okay. Justin Jefferson, pas beaucoup de passes échappées. Je pense qu'en 2019, il n'y a aucune passe qui a été lancée dans sa direction qui a échappé. Donc, 100% de réception. On parle d'un gars de 6 pieds 3, près de 200 livres. Une grosse cible pour son corps arrière. Excelle dans la zone début. Il a été utilisé dans le slot aussi en 2019. Donc, un joueur qui est versatile. Je pense que plus qu'on commence à regarder ce que Justin Jefferson était capable de faire, plus qu'il faut commencer à dire que c'est un joueur talentueux. Puis quand que j'expliquais plus tôt là, qu'il y a des joueurs qui vont peut-être sortir un peu plus tard, ben je pense que Justin Jefferson, s'il devait sortir peut-être en deuxième ronde, c'est peut-être le joueur qui, dans 3 ou 4 ans, va se dire « Ouais, mais finalement, il connaît une meilleure carrière que les trois gars qui ont sorti en première ronde. » Donc, vraiment intéressant à suivre. Même son cloche avec LaVisca Chenault de Colorado, c'est un gars qui a été blessé malheureusement là, durant son parcours universitaire, mais au final c'est un gars aussi qui, on dit un peu que c'est un freak de la nature, là, un gars qui est un peu un physique incroyable, un peu à la Saquon Barkley quand il est sorti de Penn State, vraiment fort physiquement, un peu capable de faire tout, bonne vitesse. Gros gabarit, donc vraiment là on a une classe de receveurs qui est incroyable en 2020, puis ça va être vraiment intéressant de voir comment ça va se transporter dans le spectacle du dimanche. Ok, Will, on s'en parle vendredi? Ouais, parfait. Notre ami Will qui nous parlait, Wallet qui nous parlait des receveurs de passe dans la NFL qui sont repêchés lors du repêchage qui va être lieu la semaine prochaine.